Bonjour à tous et merci d'être présents à une présentation qui en fait s'enchaîne assez bien avec la précédente puisqu'on va en partie être sur le même secteur géographique. Donc je vais vous parler des recherches archéologiques en cours sur la forêt domaniale de Saint-Quirin et surtout les implications forestières en termes de gestion forestière qui en découlent. Donc ceci c'est en fait une expérience que nous menons aujourd'hui en collaboration étroite avec l'Office national des forêts, puisque nous sommes en forêt domaniale. Et c'est un programme de recherche archéologique qui est en cours depuis quelques années maintenant, à la suite de la fouille de la Croix-Guillaume. Donc la première question, c'est effectivement comment se concilier nos recherches archéologiques avec l'exploitation forestière, parce que pendant très longtemps, on était un petit peu chacun de notre côté, nous courant dans les bois et faisant nos relevés, et l'exploitation forestière, bien évidemment, qui est indispensable à l'économie de notre région, se faisant aussi de l'autre côté. Donc nous avons commencé à réfléchir à cette question-là, puisque nous sommes dans un secteur qui est effectivement très intéressant sur le plan de l'économie forestière, puisque les forêts domaniales sont effectivement extrêmement importantes, plus de 4000 hectares en forêt domaniale de Saint-Quirin, et c'est actuellement la zone également sur laquelle nous prospectons par l'intermédiaire d'une autorisation annuelle que nous obtenons du service régional de l'archéologie. Donc un territoire immense, forestier en presque totalité, dans des conditions évidemment parfois difficiles, déjà parce que nous prospections essentiellement en hiver, puisque dès le mois de mai, d'une part, on a une végétation de fougères notamment qui nous empêche un petit peu de pénétrer facilement sur le territoire. Et par ailleurs, nous sommes aussi amenés à travailler sur d'autres sujets à partir de l'été, notamment à cause de la mise en valeur d'un site emblématique qui est le site de la Croix-Guillaume que vous allez voir tout de suite. Alors, donc, en ce qui concerne ce site de la Croix-Guillaume, c'était le premier gros travail que nous avons fait sur le secteur entre 1994 et 1999, c'est-à-dire une grosse fouille programmée qui se déroulait 2 mois par an et qui a donné des résultats exceptionnels, puisque sur un même site, nous avons découvert un véritable hameau avec les maisons, avec le sanctuaire, avec une nécropole et avec une zone de carrière de grès qui est certainement la mieux connue de tout le secteur, surtout parce que ce sont des structures que nous avons pu dater à cause déjà des sépultures qui étaient extrêmement riches en mobilier et puis d'un nombre assez important de sculptures qui étaient faites sur place à destination certainement du site mais certainement également à destination d'autres demandeurs. Donc ces objets qui ont été découverts dans ces années-là sont conservés au musée du Pays de Sarrebourg où vous pouvez en partie les voir et évidemment ça nous a donné l'idée de poursuivre ces recherches puisque pour nous ce n'était pas suffisant. Donc la question c'est la première question que se cache-t-il sous cet épais tapis de feuilles et de branches. Et effectivement, la personne qui se promène sur notre secteur ne voit pas forcément tous les vestiges que ces forêts recèlent. Et effectivement, nous avons des vestiges particulièrement bien conservés sous ce couvert forestier, puisqu'il n'est pas rare de découvrir une sculpture à même le sol en retournant une pierre, ce qui fait effectivement le bonheur d'un musée comme le musée du Pays de Sarrebourg. Donc, qu'est-ce qui se cache donc sur ce couvert forestier ? Eh bien, la première chose qui est bien visible dans le paysage, ce sont les terrasses. On a beaucoup de terrasses qui sont très, très bien marquées dans ce secteur-là, surtout quand on est sur les pentes. Et ensuite, donc, vous en avez un petit peu partout sur tout le secteur, donc surtout entre 350 et 400 mètres d'altitude, 500 mètres d'altitude. Et ces terrasses sont des terrasses construites, puisque on a pu en couper quelques-unes. On voit ici, par exemple, sur la diapositive du bas, les pierres que nous mettons à nu en prospection, sans fouiller, bien sûr, puisque après, c'est le stade supérieur. Quand on demande une autorisation de fouille, on va aller un petit peu plus loin dans la recherche. Mais dès la prospection, on se rend compte que la plupart de ces terrasses sont des terrasses qui ont été construites avec des soubassements de pierres bien ancrées dans le sol. Ensuite, se connectant à ces terrasses, on a un certain nombre de murets ou de murs de parcellaires qui ont servi également de talus d'épierrement, puisque c'est là où, on se rend compte qu'il s'agissait probablement de champs ou de pâtures, enfin en tout cas de secteurs qu'on a épierrés en grande partie. Donc ces murets recoupent ces terrasses et déterminent donc des enclos, souvent. Alors, on a des enclos parfois assez importants. Et à l'intérieur de certains enclos, c'est à peu près la même chose qu'on voit partout sur l'ensemble de notre secteur des Vosges, en particulier Gréseuse. On a souvent des habitats qui sont connectés à ces enclos. Alors, tous, évidemment, déterminant ces parcelles et ces parcellaires déterminant des champs, ça on en est pratiquement persuadé maintenant, quand on a des zones qui sont complètement épierrées avec un parcellaire tout autour, évidemment, on se dit qu'on doit avoir des champs. On a beaucoup réfléchi sur cette question dans le cadre d'un gros programme de recherche qui était international, pas seulement national, lancé par Michel Redé, donc, qui s'est appelé Hurland, et au cours duquel on a pu réfléchir sur la destination de ces secteurs-là. Alors donc, probablement des champs fossiles, mais évidemment, les datations évidemment, peuvent être extrêmement élargies. Et on pense que beaucoup sont gallo-romains, mais d'autres peuvent être bien postérieurs. Des murs de bâtiments également, donc en pierre sèche, avec certainement des structures en bois, donc qui ont différents rangs de forme. Sur une de ces diapositives, vous voyez un mur bien construit qui était peut-être un mur d'un sanctuaire sur un secteur qu'on a beaucoup prospecté. Un autre, les pierres sont beaucoup plus en vrac. Tout dépend évidemment de la conservation. On a beaucoup de chemins aussi, chemins bordés de murs, qui lie ces différents hameaux quand ils semblent effectivement gallo-romains. On a des chemins bordés de murs, mais on a aussi des chemins bordés de murs qui sont bien postérieurs. Des nécropoles, ça, la nécropole gallo-romaine, évidemment, on peut la dater facilement grâce soit aux stèles qui restent encore en place dans beaucoup de secteurs, soit lorsqu'on les a fouillées, ne serait-ce qu'en partie, évidemment, grâce au mobilier. Et puis alors, c'est justement la Neuve-Grange dont on parlait. Vous voyez, par exemple, le bloc taillé qui se trouve donc sur la diapositive de droite. Eh bien, c'est ce qu'on rencontre fréquemment dans la forêt, évidemment sans savoir exactement, sans avoir fouillé, quelle est la structure qui s'y raccroche. Alors, autre spécificité de ce territoire, ce sont les carrières. Catherine Zeller vous a parlé de celle de la Neuve-Grange. Eh bien, une de ces carrières, vous la voyez à droite, avec une magnifique encoignure qui reste bien évidente dans le paysage. Et puis, on trouve beaucoup de blocs avec des emboîtures, donc toutes des traces de ces carrières qui sont, pour certaines, on en est à peu près sûr, ou même sûr quand on a trouvé des stèles en cours de fabrication gallo-romaines, mais d'autres sont certainement bien postérieures. Par exemple, les deux photos que vous voyez en haut, la première était en prospection, donc les indices d'une carrière, et on a demandé une autorisation de sondage sur cette carrière-là, et donc c'est la photo que vous voyez à droite où la carrière a été donc totalement fouillée, et là il s'agit d'une carrière probablement médiévale, puisque les études que nous avons faites sur les blocs, le stock de pierres qui était dans un coin prêt à être enlevé, correspond exactement aux pierres, aux modules, non seulement aux modules des pierres du vieux château, qui est un château daté de la fin du XIIe siècle. Et donc, par ailleurs, on a fait des études de grès qui sont tout à fait conformes, puisque le grès est tout à fait particulier à cet endroit-là. C'est un grès de couche intermédiaire, mais qui est très proche du grès à Voltzia. Alors, donc, voici les carrières qui sont connectées au vieux château. Et vous voyez, donc, le vieux château, sur la diapositive de droite et en bas. Et on a très peu de châteaux sur le secteur de la forêt domaniale de Saint-Quirin. On en a un seul. Les autres châteaux sont en forêt domaniale d'Abrechvillers ou de Valscheid. Donc, c'est relativement exceptionnel. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'en a pas le temps. Et puis alors, les verreries, qui est aussi un sujet sur lequel on travaille beaucoup, puisqu'il y a également quelques archives qui sont conservées, notamment aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle, qui montrent effectivement que nous sommes dans un secteur qui était extrêmement couvert de verreries forestières. Et celle que vous voyez, c'est une verrerie qui est tout près de la Croix-Guillaume, du site gallo-romain de la Croix-Guillaume, et qu'on a prospecté très finement à la suite, justement, et ça va me servir de transition, à la suite d'une opération de débardage qui a un petit peu mal tourné. Alors, dernier vestige que nous rencontrons fréquemment en forêt, ce sont bien sûr les charbonnières qu'on rencontre un petit peu partout. Il y en a énormément aussi sur notre secteur. Et puis, évidemment, des choses plus difficiles à dater, ce sont les sources aménagées. Il y en a aussi pas mal dans notre secteur forestier. Et puis les bornes, bien sûr, qui limitaient donc le territoire du prieuré de Saint-Quirin. Alors, donc maintenant, comment prospectons ? Eh bien, on prospecte tout simplement en prospection pédestre avec relevé GPS. Et ces prospections donnent lieu à une cartographie que l'on communique bien sûr à la carte archéologique du service régional de l'archéologie et à l'ONF. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus parce qu'on n'en a pas le temps, mais vous voyez, donc ces parcellaires dont on a parlé, donc terrasses et recoupements de murets, quand ils existent encore, évidemment, dans certains cas, ils ont été démantelés. Mais très honnêtement, c'est un secteur qui est extrêmement riche, encore une fois, entre 350 et 500 mètres d'altitude, là où les hommes se sont installés. Donc voici un autre secteur, c'est le secteur du Wagon, tout près de la Croix-Guillaume, où on a trouvé d'ailleurs un sanctuaire. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire de ces secteurs-là ? Eh bien, on sait, ça on en est à peu près sûr, que les populations gallo-romaines se sont installées à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, que la forêt est défrichée. Bien évidemment, on a des hameaux un petit peu partout, des parcellaires, des terrasses. Et puis, on a fait quelques analyses, il y a longtemps, hein, tout au début de la Croix-Guillaume, qui ont été faites au laboratoire de Besançon, et où on a effectivement les traces d'un défrichement important à partir du 1er siècle, du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il semblerait, d'après les dernières analyses qui avaient été faites récemment, que la forêt reprend ses droits à la fin du 3e siècle, mais il y a quelques points d'interrogation, notamment, pour l'instant, on n'a pas de données sur le secteur de Saint-Quirin, mais on a quelques données sur le secteur de Saverne, où il semblerait que l'occupation gallo-romaine dure un petit peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, ensuite, on a peu de données de datation archéologique. On a quelques cartes très intéressantes, notamment le fameux dessin donc de 1605 qui vous montre la forêt de Saint-Quirin limite Abrechvillers avec la forêt. Alors ce dessin est un dessin qui a été fait après lors des litiges qui ont opposé le comté de Dabot au prieuré de Saint-Quirin, et on voit l'état de la forêt. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on a de la forêt, mais on a aussi des endroits où on faisait paître le bétail, puisque justement ces conflits étaient dus au fait que les habitants de Saint-Quirin et les habitants de Dabot emmenaient leurs cochons paître à peu près aux mêmes endroits. Donc, et puis on a une autre carte qui est très intéressante aussi, c'est la carte de Ptolémée reprise donc au XVIe siècle, qui fait état de hic sunt specula, c'est-à-dire ici sont les miroirs, c'est-à-dire à Saint-Quirin. Et ça nous intéresse bien à cause des recherches que nous faisons sur les verreries forestières. Alors donc, comment protéger ce patrimoine forestier ? Eh bien, une première chose qui a été faite, c'est la protection au monument historique du site de la Croix-Guillaume, qui est actuellement, donc aujourd'hui, visitable, visité et entretenu par notre association. dans le cadre donc d'une convention avec l'ONF et d'une convention avec la communauté de communes maintenant de Sarrebourg-Moselle-Sud. Alors deuxième chose, on s'est rendu compte évidemment que cette convention et cette protection ne suffisaient pas, puisque ce qui est embêtant, ce n'est pas l'exploitation des arbres, elle est absolument nécessaire, mais c'est la mécanisation et en particulier le fait que les tracteurs passaient quand même pas mal sur les secteurs que nous étudions. Et donc, nous avons beaucoup discuté avec le service régional de l'archéologie et avec, là vous avez quelques exemples évidemment de problèmes que nous avons connus par le passé. Donc nous avons fait une grosse réunion entre le service régional de l'archéologie et l'ONF pour en arriver au fait qu'il fallait absolument qu'on communique nos résultats, que ces résultats soient intégrés aux cartographies ONF et que ça soit communiqué aux gens qui faisaient l'exploitation forestière, puisque en général, maintenant, ce sont essentiellement des marchés qui sont faits avec des entreprises. Donc, on en est arrivé là. C'était déjà un gros progrès, puisque maintenant, dans tous les plans d'exploitation forestière, on a à côté une petite rubrique vestiges archéologiques, donc ça c'est déjà pas mal. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait faire un travail de proximité. Et là, on a engagé avec les forestiers du secteur un gros travail de collaboration. Alors évidemment, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait une association ou des gens qui soient disponibles et qui soient là, et des forestiers qui soient à l'écoute, ce qui est tout à fait le cas dans notre secteur de toute façon. Et je pense partout, mais en particulier chez nous, ça se passe très très bien. Donc nous avons mis en place, par exemple, chaque année, un martelage avec l'ONF. Donc on apprend aussi comment se fait la gestion forestière. Donc ça nous permet, nous, d'adapter aussi notre démarche archéologique. Et les forestiers sont très preneurs aussi des endroits qu'on va leur signaler et leur dire, parce que la cartographie ne suffit pas, parce qu'effectivement la cartographie elle va mettre sur une carte tous les vestiges et effectivement il y a des endroits où on peut passer sur le chemin qui est déjà tracé depuis longtemps et qui a vu passer je ne sais pas combien de débardages, donc on peut passer sur le même secteur sans aucun dommage. Donc on a vraiment maintenant une concertation à tel point que maintenant les forestiers nous donnent les numéros de parcelles préalablement à l'exploitation, un an avant au moins, et on va signaler quels sont les secteurs vraiment qu'il faut sauvegarder, parce qu'on ne va pas entourer toute la forêt de Saint-Quirin avec du rubalise, puisque les vestiges sont tellement importants partout qu'il faut effectivement être raisonnable. Alors pour les zones qui sont très très sensibles, on met en place un rubalise avant que l'engin ne passe pour qu'il ne passe pas sur la parcelle concernée. Et un système de marquage d'arbres, on a un code, et on sait qu'à cet endroit-là, le débardeur ne doit pas passer avec son engin. Après, bah, partout, après, on peut y aller. Et puis, il y a deux ans, on a fait une opération sur un secteur extrêmement fragile. Il s'agissait d'habitats gallo-romains tout près de la Croix-Guillaume, avec un chemin bordé de murs qui est assez exceptionnel. On a fait un débardage à cheval. Et du coup, les vestiges, parce que là, il n'y avait pas moyen de passer. On ne pouvait pas casser le chemin, il était encore préservé. Donc, on a fait un débardage à cheval, et donc, ça s'est très, très bien passé. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bien évidemment, tout cela est un préalable, hein, c'est d'avoir des gens sur place.